passé pas mal de temps. Je crois que c'était au printemps. Tu avais souffert si longtemps que rien ne l'est.